En automne, il y a les feuilles qui tombent. En hiver, il y a de la neige. Au printemps, il y a les fleurs qui poussent. Et en été, il y a du soleil. En automne, il y a les feuilles qui tombent. En hiver, il y a de la neige. Au printemps, il y a les fleurs qui poussent. Et en été, il y a du soleil.